3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et oui, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Pas une saison sans qu'on parle de playoffs. Bah ouais, finalement. On commence à reprendre nos habitudes de post-season. Et encore une fois, on est là pour débriefer toute l'actualité de la planète Orange and Blue sur KNF TV dans votre rendez-vous hebdomadaire. Pour cette fois, on se tient à ce lundi. Oui, on est bien de retour lundi, 18h30 sur YouTube, la chaîne KNF TV de l'association. Et encore une fois, je suis fidèlement accompagné de Seb. Ça va, Seb ? Tout va bien. Tout va bien. Bah oui, ça sera difficile de trouver quelque chose qui ne va pas quand on est supporter des Knicks, parce qu'on peut dire qu'il y a eu un match seulement, certes, mais on s'est déjà régalé. Alors, on s'est déjà régalé, et puis mon week-end a été conclu aussi par une magnifique victoire du Montpellier Hérault en foot, et hier soir, une très belle victoire des Rangers en NHL, qui aussi commençaient leur play-off, et qui à la maison ont facilement disposé des Washington Capitals, donc bon, c'est le premier match, pareil, hein, sur les quatre. Mais on s'enflamme pas, mais les playoffs battent leur plein au Madison Square Garden. On a deux équipes new-yorkaises qui sont parties pour faire, pourquoi pas, une belle campagne printanière, oh, pour nous emmener jusqu'à l'été. On va dire un petit peu. voilà, on va voir si ça nous ramène un petit peu des vibes de 94, pourquoi pas. Allez. Ça, c'était la petite aparté NHL. NHL, oui, c'est ça, c'est le H. Je mélange toujours le F et le H, mais c'est bien le H pour le hockey. Et on va tout de suite basculer en mode NBA. Alors, on lance le petit jingle et on a encore une fois beaucoup de choses à se dire. Alors, c'est parti pour l'épisode 87. Alors c'est parti, les playoffs NBA ont démarré le week-end dernier. On a eu une petite semaine à base de play-in où on attendait encore les derniers qualifiés. On a vite su que les Knicks affronteraient les Philadelphia Sixers. Ah là là, les Philadelphia Sixers qui ont fait parler avant la série, bien sûr, qui ont fait parler pendant le match, ça c'est certain. Et on est là justement pour débriefer tout ça. Les playoffs NBA sont démarrés des deux côtés, côté conférence Est et conférence Ouest. Un match a été joué pour chacune des séries, donc on a déjà un petit avant-goût de ce que ça va donner sur ces playoffs. Avec des joueurs blessés, avec des joueurs qui sont déjà en forme, avec des premières surprises ou pas. En tout cas, l'affiche qui nous intéressait, nous, c'est l'affiche des New York Knicks face aux Philadelphia Sixers. Et qui dit mode playoff, dit KNF Viewing Party en mode playoff. On vous donne tout de suite rendez-vous cette semaine. Et oui, ça sera dimanche pour le match 4. Alors, est-ce que les Knicks vont sweeper les Philadelphia Sixers? Possible. Alors, on parle... Pour le moment, on vous spoil rien du tout, puisque vous le savez, vous avez suivi l'actualité. Les Knicks mènent 1-0 dans la série. On a un joueur qui a les genoux qui grincent. Alors, ça, c'est côté Philly. Alors, pourquoi pas rêver à un sweep? Pour mémoire, pour rappel, en 89, les séries se passaient au meilleur des 5 matchs. Et les Knicks avaient sweepé à l'époque les Philadelphia Sixers 3-0. Alors, un petit peu de revival, un petit peu de vintage, pourquoi pas. En tout cas, ce match 4, il aura bien lieu. C'est sûr que la série ira jusqu'à 4 matchs. Et c'est sûr que la KNF sera au rendez-vous pour vous proposer une nouvelle KNF Viewing Party. Donc, c'est dimanche à partir de 18h30 pour un lancement du match à 19h. On vous donne rendez-vous au Hideout Paris Gare du Nord, dans le lieu habituel. L'espace privatisé. Pour la KNF, la saison dernière, le lounge, ouais. l'espace privatisé pour la KNF, la saison dernière, ça avait été plutôt des KNF viewing parties plutôt mémorables en mode playoff. Donc là, on a encore envie de revivre tout ça. Donc voilà, vous avez le rendez-vous à partir de 18h30. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour festoyer, pour voir qui de Jalen Brunson ou de Joel Embiid va être le joueur du match. On verra tout ça ensemble. Et c'est sûr que cette série ira jusqu'à 4 matchs. Est-ce qu'elle ira plus loin? Ça, on verra. Mais en tout cas, on sera au rendez-vous. On espère que vous le serez également. Des joueurs qui ont été au rendez-vous, des acteurs qui ont été au rendez-vous, eh ben, c'est les acteurs des deux équipes, que ce soit côté Knicks. On a sorti les beaux vêtements, on a sorti les belles tenues, on a sorti les belles coiffures avant cette rencontre qui se passait samedi soir au Madison Square Garden. Le Madison Square Garden qui avait revêtu ses habits de lumière, les belles tribunes, les petits maillots disposés bien proprement pour les spectateurs. Il est beau ce Garden, Seb, hein, encore plus en mode playoff. C'est la plus belle place du monde, la plus belle salle du monde. The world's most famous arena, comme le disent nos amis américains. Et clairement, pour ce lancement de série, on avoue qu'on avait un beau décorum. Un beau décorum, mais ça n'a pas empêché d'avoir déjà des prémices, un peu type un combat de boxe par médias interposés. Dans le courant de la semaine, quand on a su que les Sixers allaient affronter ces Knicks, ben voilà, il y a un certain Playoff P, Paul Reed, a priori, qui s'est exprimé dans les médias. Bon, les questions lui ont été posées, il y a répondu avec innocence, sincérité et sans filtre, en disant que, bah voilà, pour Miami, c'était pour Miami. Oups, lapsus. Pour Philadelphie, c'était tout simplement le meilleur adversaire, l'adversaire plus facile à aller chercher que les Boston Celtics. Hein, voilà, c'était ça. On peut pas lui donner tort. On peut pas lui donner tort, et en même temps, est-ce qu'il fallait vraiment l'affirmer comme ça? Ça a forcément fait réagir. Si tu veux, c'était, en plus, la façon dont il le dit, quoi, avec un petit sourire en coin, tu sais, genre, on va, broyer, genre on va aller taper easy, quoi, pas de problème. Mais il peut lui dire, il faut savoir prémettre les formes. Alors après, tu peux dire, oui, voilà, on se qualifie, on chope les Knicks. Évidemment qu'on est content de cette match-up plutôt que Boston, parce que Boston est l'ogre de l'Est. Maintenant, attention, cependant, les Knicks ont fait une belle saison, il va falloir rester vigilant. Enfin, tu mets les formes. Tu peux toujours mettre plein de formes. Ouais. Tu dis pas, la match-up, elle est easy. On préfère ça que les Boston Celtics. Et puis avec un petit sourire en coin, genre en face, on va jouer des peintres, quoi. Bon, voilà. C'est ça qui a énervé, en fait, plutôt. Parce qu'au final, ça se comprend ce qu'il raconte. Mais voilà. Tu préfères affronter le numéro 2 que le numéro 1, ça se comprend. Après, effectivement, comme tu dis, il y a la forme. Mais bon, on le sait, c'est le jeu des médias. L'idée est d'aller chercher un petit peu des punchlines, un peu de choses croustillantes pour faire monter la pression. Derrière, il y a eu la réponse. La question a été posée au joueur d'Enix et c'est Josh Hart qui s'est exprimé en disant qu'il n'en avait tout simplement rien à foutre. Il s'en moquait de ce Paul Reed. Mmh. Effectivement, au vu de son premier match, on peut se dire que Paul, c'était peut-être pas si facile pour toi sur cette première rencontre. Après, ce n'est que le début de la série. On a vu aussi nos amis Brunson et OG en mode hoodie, tête concentrée, en mode hoodie noir, voilà. Fermé. Et puis, s'il fallait rajouter un clown dans cette histoire, Draymond Green, qui était déjà en vacances, bah, lui aussi s'est exprimé en disant « Bah oui, je comprends, Paul Reed, même Miami, de toute façon, aurait froissé les Knicks. » Ouais. Oui, voilà. Rira bien, qui rira le dernier, la série ne fait que commencer. Et on il a le temps de rigoler. Il a le temps de rigoler, Draymond Green, toi, ce matin. Donc, Oui, tout à fait. Il a tout son temps à Cancun de rigoler. Hein. De faire le malin et de manquer indirectement de respect. Et de plutôt à Cancun, il a le temps. Voilà, bon, avant ce match, on avait eu le droit aussi à une petite sortie dans les médias, mais là, sous une autre forme, c'est Jalen Brunson. Jalen Brunson qui est le joueur star de la franchise des Knicks aujourd'hui, puisqu'effectivement, on le rappelle, Julius Randle sera forfait sur l'ensemble de cette série et sur la fin de saison. Et donc, Jalen Brunson s'est exprimé par médias interposés. Cette fois-ci, il a pris la plume, lui ou son agent, on ne sait pas. Hein. Il a peut-être été aidé pour la rédaction de tout ça, mais il a sorti sa lettre dans le Players Tribune, justement, où il revient sur son arrivée à New York, sur cette saison, sur les trades qui se sont passés également, et le beau parcours et le fait de pouvoir jouer avec ses amis de toujours ou quasiment. Pour sa fin de parcours à la playoff de l'année dernière aussi. Tout à fait, il est revenu aussi sur ces vieux souvenirs, ces vieux démons de cette dernière possession, cette fin de match en match 6 face à Miami, qui lui est resté visiblement encore en travers de la gorge. Donc on verra si ça lui sert à se motiver pour cette campagne de playoff. Mais il est revenu sur tout ça, donc une lettre toujours intéressante à lire. Et puis voilà, pleine d'humilité, parce qu'on sait aussi à quel joueur on a affaire quand on parle de Jalen Brunson, un joueur bosseur. Qui ne prend rien pour acquis et on verra justement où il va pouvoir porter les Knicks en playoff cette année. Voilà, en tout cas, Jalen Brunson, même s'il fait parler, même s'il a toute la reconnaissance et tout l'amour des fans, visiblement, pour les Awards, ça sera pas pour cette année. Les Awards NBA sont déjà tombés, en tout cas les premiers Awards individuels. On verra un petit peu plus tard pour tout ce qui est All NBA Team, All Defensive Team, All Rookie Team. Bon, des rookies, vous le savez, il n'y en a pas aux Knicks. Des joueurs défensifs, il y en a. Ça va peut-être un peu compliqué de trouver une place là-dedans. Mais en tout cas, coach, MIP, MVP, ça ne sera pas aux Knicks. Hein. Les finalistes ont été annoncés. Et sans trop de surprise, on n'a pas de Knickerbocker dans ses finalistes. Voilà. Bon, on attendra les All-NBA Team pour se réjouir, pour essayer d'avoir un peu un lot de consolation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Seb, vis-à-vis de ces premiers finalistes après, qui sont sortis. Bon, après, je peux comprendre, voilà, les choix des joueurs qui ont été donnés. Après, notamment en coach, je comprends aussi ce qu'a dit Josh Hart en disant Tom Thibodeau aurait peut-être mérité au moins d'être cité, dans le sens où il a quand même une équipe qui a été décimée par les blessures sur la moitié de la saison et il est arrivé à mener ce groupe jusqu'à la deuxième place avec 50 victoires. Bon. Donc, après, pour moi aussi, dans les coachs, parce qu'au final, dans le reste des joueurs, la sélection me semble normale. Mais c'est vrai qu'au niveau des coachs, ne pas voir ni soit un Tom Thibodeau, en tout cas pour côté Knicks, hein, ou surtout un Joe Mazzulla côté Boston, qui a complètement dominé, écrasé la NBA cette année avec ses Celtics. Bon, un peu plus surprenant. Les Celtics qui n'auront aucun lauréat sur ces trophées individuels, parce que ce soit MVP, MIP ou DPOY, il n'y a pas une trace de Celtics dans tous ces finalistes. Après, on verra dans le détail des votes, mais visiblement, même une saison trop facile pour eux ne leur a pas permis. Mais c'est ça de qui gratter, est quand même assez étonnant, mais sinon, pourtant, après, non, après, derrière les choix. Et peut-être qu'on aura cette année une cuvée plutôt exceptionnelle avec. Avec un Rudy Gobert et un Victor Wembanyama, tous deux nommés dans leur catégorie de défenseur de l'année et de rookie de l'année. Donc ça sera peut-être que Wemby assez va faire historique. Ça sera historique. DPOY et Roy, il est en possibilité de le faire. Je pense pas qu'il l'ait. Je pense que c'est bon, à tout Gobert. Tout ça ne concerne pas les Knicks, vous l'avez compris. Par contre, ce qui concerne les Knicks, c'est le business. Le business NBA se porte plutôt bien et on a retrouvé les chiffres de fin de saison concernant la vente de merchandising, les ventes de maillots. Les Knicks qui font bonne figure parce que, bon, en termes de franchise, on sait le potentiel qu'occupe New York. Et on retrouve également Jalen Brunson en 15e position des meilleures ventes de jersey sur l'exercice passé. Une belle place. Peut-être un peu surprenant quand on regarde le détail des joueurs qui ont la cote de popularité, la cote d'amour auprès des consommateurs. Alors, on n'a pas le détail. On ne sait pas si c'est international. On ne sait pas si c'est que sur le sol américain. Mais voilà, en tout cas, une 15e place pour JB qui fait dire, bon, voilà, le All-NBA, il devrait l'avoir. Il a la popularité, il a les résultats. Voilà, c'est un joueur qui devient de plus en plus bankable, mine de rien, notre JB. 15e place, tu le pensais plus haut, plus bas aussi, ouais. Hein? Non. Pour l'instant, non. Je pense que, ouais, Jalen Brunson, il n'a pas encore ce rayonnement. Même s'il est chez les Knicks, on le voit bien, même au sein de la NBA, au sein des États-Unis. Pour l'instant, il n'a pas encore vraiment cette aura. Cette hype. Ça se travaille, ça se fait. Qu'est-ce que devrait dégager. Ouais, voilà, pour l'instant. Alors, oui, il est à sa deuxième belle grosse saison, quoi. Il a été All-Star. All-Star. Mais, ouais. C'est compliqué, je pense, pour l'instant, d'aller chercher des mecs avec une hype plus importante, quoi. Moins spectaculaire que d'autres joueurs. On voit Ja Morant qui est toujours plein placé dans ses votes, dans ses résultats de vente de maillots. LaMelo Ball aussi. Hein. Il a un jeu. Faut pas oublier que c'est aussi, je pense, ciblé chez les ados. Et c'est sûr qu'un Ja Morant. Entre plus son jeu, Instagrammable. Son look aussi, son physique, tout ça, tu vois, ça parle peut-être plus aux jeunes dans son jeu, dans sa façon de se comporter. Donc forcément, tu vois, de l'autre côté, t'as quand même Jalen Brunson qui est très pépère dans sa tête, pas extravagant, tu vois, tu vas pas avoir de déclats plus haute que l'autre. Tu vois, et puis il a. Donc, forcément, je pense que ça attire quelque part. Tu vois, ça va nous plaire à nous. C'est moins Ça va peut-être pas plaire worldwide que ouais. aux jeunes de 15 ans, quoi, tu vois. Donc, ça monte pas À les hauts, voir. quoi. Voilà. À voir où il se situe la saison prochaine. Mais en tout cas, voilà, il rentre dans le gratin tout de même de la NBA et des joueurs bankable, la franchise de New York aidant. Bon, avant de parler vite fait de nos playoffs et de ce match 1 qui nous intéresse tant, et ben petit rappel, on a sorti la KNF TV Mixtape. Tout le film intégral des 50 wins de la saison est disponible sur la chaîne. Donc faites-vous plaisir si vous n'avez pas eu l'occasion de retrouver ces bons moments. Parce qu'il y a eu un paquet, une grosse mixtape. Ça fait plaisir. C'est encore offert par KNF TV. Voilà, c'est gratuit. Profitez-en. Bon, les Knicks qui allaient arriver donc en playoff avec l'avantage du terrain, avec un adversaire qu'on connaît. On a eu l'occasion de débriefer un petit peu les previews de la série dans l'épisode précédent, l'épisode 86 que vous pouvez retrouver toujours sur notre chaîne. On avait parlé du match 1, on attendait beaucoup de choses. On avait aussi quelques inquiétudes, quelques mystères autour de cette... questionnement autour de ce match 1, de ce lancement de série. Effectivement, un numéro 2 surprise face à un numéro 7 qui n'est pas forcément un vrai numéro 7. Voilà. Mais les Knicks avaient des garanties concernant leur force, concernant leur qualité. Est-ce qu'on a retrouvé ça sur le terrain lors du match 1? Eh bien, ça va être l'occasion de débriefer ça ensemble. Un petit match, mais quand même beaucoup de choses à se raconter. Un match qui s'est passé, qui a été compliqué à démarrer côté new-yorkais, avec tout de suite un Joel Embiid qui s'est montré très productif. Il rentre directement, je crois, les 9 premiers points de son équipe. Difficile à défendre d'entrée de jeu, on le savait. Il y allait avoir un casse-tête, et pas un casse-tête, Bob. Joel Embiid. Même si Isaiah Hartenstein, même si Anunoby, même si Precious, même si Mitch pouvaient se relayer autour du pivot franco-camerounais américano de Philly, il s'est tout de Un suite citoyen du montré monde, on va dire. citoyen du monde. Il s'est tout de suite montré très difficile à manœuvrer, notre ami Joël. Je ne sais pas ce que tu en as pensé sur le début de match. On va essayer de revenir un peu carton par carton. Non, Joel Embiid, tout de suite, tu comprends rapidement que ça va être un vrai problème, quoi. Ça va être un vrai problème parce que s'il score pas, il aura des coups de sifflet. Ça. S'il a pas les coups de sifflet, tu viens le doubler. Il va trouver le copain, il va arriver à décaler. Tu t'aperçois vraiment le rayonnement du bonhomme. C'est par là que tout passe. Et donc c'est un vrai souci, quoi. C'est un vrai souci. On a envoyé Hartenstein dessus, je pense peut-être pas assez long pour le gêner au panier, à son accès au panier. Ouais. On a vu, tu vois, je t'avais dit peut-être des fois, on a eu sur quelques séquences du Anunobi sur lui. Oui. Tu vois, ça c'est, y a eu Anunobi aussi sur lui. Peut-être, voilà, peut-être plus véloce, Anunobi, donc peut-être un peu plus agressif sur le joueur pour le Mais gêner plus. moins de longueur Mais aussi face à un joueur qui est quand moins même dominant long, physiquement, moins quoi. lourd, pour empêcher d'avancer. Et on a eu du Mitch, voilà. On a eu un peu tout le monde qui est passé en revue devant Embiid. Et puis ouais, tout de suite tu te dis Compliqué, compliqué le le premier bonhomme quart-temps. compliqué, c'est ouais. Il se met tout de suite en lumière et en avantage pour justement mettre son équipe sur ses épaules. Les autres lieutenants étaient plus ou moins discrets en début de match. Côté Knicks, ça a été compliqué en termes d'adresse. On n'avait pas d'adresse en ce début de rencontre. Un Brunson qui a tenté, mais pas en Compliqué, efficacité. même ce match. Forcément Très bien compliqué. défendu. Bien défendu et souvent enclin à subir des prises à deux. Ça, on pouvait s'y attendre. Et les Knicks qui était à la traîne au premier quart-temps. Au premier quart-temps. Heureusement, il y a quatre cartons au basket. Et dans le deuxième. C'est plutôt l'apport du banc qui nous a surpris, l'apport du banc new-yorkais. Et quand Joel Embiid s'est retrouvé, lui, plutôt sur le banc pour souffler un peu et ménager ses genoux, là, on a vu tout de suite un Bojan, on a vu tout de suite un Deuce McBride, très en réussite. Et les Knicks ont refait leur retard et sont même repassés devant. Et finalement, l'apport du banc, ça va être aussi un élément clé sur cette série. Et ça a été un élément clé sur ce match. Les Knicks ont été plus forts, le banc des Knicks a été plus fort que le banc des Sixers. Et c'est ça qui a fait la différence en deuxième quart-temps. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, je ne sais pas si tu veux remonter, ressortir un joueur en particulier, parce qu'on parle d'Hartenstein sur le premier quart, un peu jusqu'à la fin, et derrière on a un Mitchell Robinson aussi, qui s'est montré, et pas que sur Joel Embiid, oui, mais dans le deuxième quart, il a été aussi précieux par sa présence, par son passage. Oui, déjà, tu as eu un Deuce McBride qui a fait, qui nous a remis dedans, quoi. Qui nous a redonné un momentum, qui nous a remonté dans le train, qui a remis le train du moins sur les wagons, sur les rails, et parce qu'on était un peu en perdition, quoi. On avait un Jalen Brunson très compliqué, avec les alternances de tu avais sur lui Kelly Oubre, tu as eu sur lui du Batum. Batum. Tu as eu du Lori un peu, du Maxi, mais surtout, voilà, c'est surtout été du Oubre et du Batum sur lui, essentiellement. Ça l'a énormément gêné, il a aussi pas mal forcé. Au bout de deux quarts-temps, Jalen Brunson, enfin, dans le second quart-temps, Jalen Brunson, c'est 1 sur 4 au tir. C'est 1 sur 4 au tir, compliqué, hein, c'est 4 points. Parce qu'après, derrière, il est arrivé, heureusement, à avoir des lancers francs. Mais très très très compliqué. On a eu un très bon passage de Bojan Bogdanovic qui a joué l'entièreté du quart-temps. Il a joué les 12 minutes avec McBride, les deux. Les deux ont joué les 12 minutes et les deux un ont bon été apport, plutôt ouais. J'ai trouvé un Bojan assez agressif. En fait, on a vu rapidement, et Thibodeau aussi, que Dante, ça serait compliqué à ce match. D'ailleurs, Dante, après, ne rejouera plus. Et en fait, McBride a pris ses mines parce que lui, était hyper chaud. Était 100% de voilà, réussite. Il faisait... Voilà, le joueur. Le second quart-temps, 4 sur 7 au tir, 3 sur 4 à 3 points, 13 points, meilleur joueur du quart. Il a su nous remettre dedans, quoi. Il a su nous remettre dedans et... Il termine meilleur marqueur d'Enix à la mi-temps. Donc c'est un très bon passage de sa part. On a vu de belles choses dans la saison le concernant. Les playoffs, on le sait, c'est un autre jeu. Il a eu des espaces, il a eu des tirs, il les a pris. Il s'est montré aussi présent défensivement. On a vu quelques moments où il y avait des match-ups avec Joel Embiid face à Deuce McBride. Bon, ça peut prêter à rire, mais voilà, c'est aussi la façon dont les Knicks se défendent et les switches qui se font. Mais ceci dit, voilà, avec ses mains baladeuses, sa capacité à intercepter des ballons aussi, voilà, c'est un joueur qu'il ne faut pas sous-estimer par sa présence défensive, malgré sa petite taille. Et clairement, Bojan et McBride ont aidé les Knicks à se remettre, comme tu l'as dit, sur les bons rails et à reprendre, on va dire, le cours du match à leur avantage sur ce second quart-temps. Et au final, les Knicks arrivent en tête à la pause. Donc là, on était plutôt en confiance. On était en tête à... Plus 12. On était plus 12 à la pause. Voilà. Et un autre fait important de jeu dans ce second quart, c'est l'action de Joel Embiid, où monsieur se sent pousser des ailes et s'envoie une petite passe sur la planche pour aller claquer un sale dunk sur la tête d'Artenstein et compagnie. Mais derrière... Et de OG, il dunk sur tout le monde. Et de OG. Donc là, voilà, pour le spectacle, c'est bien, c'est beau, c'est mignon. Ça montre la puissance du pivot. Mais derrière, il est sorti, il avait mal au genou. Et on s'est dit, ah voilà, est-ce que ça y est, mais la blessure... Il n'est pas juste sorti, il avait mal au genou, quoi. Déjà... Il est sorti au vestiaire. Il est reparti au vestiaire. Après cette action, donc il s'effondre, il se tient le genou. Donc nous, on fait la contre-attaque, on a marqué, temps mort pour Nick Nurse. Forcément, il est allongé par terre. Il y a une chose, moi, qui me choque et qui a beaucoup choqué les gens aussi, ça a été cet œil droit là, qui clignote, là. Étonnamment, il est là, il est par terre, amorphe, il respire fort, il a une respiration très forte, très saccadée. Et il a cet œil droit là qui clignote. Bon là tu comprends qu'il a son genou, là c'est son genou gauche. Quand il retombe, il se le tient immédiatement. D'abord il rebondit un peu sur sa jambe droite. Et puis donc là tu comprends que peut-être en effet, peut-être le ménisque ou quoi lui fait à nouveau mal. Et puis il sort. Et sur internet, sur les médias américains, beaucoup de choses ont commencé à discuter. Sur justement ce faciès en fait inquiétant de Joel Embiid, cet œil là qui clignotait et pendant avant même l'action, il se frottait souvent. Je sais pas si t'as fait attention, Ouais, il mais il était se gêné à frottait l'œil. comme si. Ouais, il a un truc. Alors, beaucoup on commence à discuter en sachant, en se demandant est-ce qu'il n'était pas voilà, sous cacheton ultime et qu'en fait ça commençait à lui faire déconner un peu le faciès. Certains ont parlé de mini-AVC avec. Il était questionnable avant la rencontre. Hein. Ouais, On avait un non mais. peu souri en se disant, bon, Joel Embiid, c'est toujours questionnable d'un match à l'autre, même en régulière. Mais voilà, il était incertain. Bon, pour le Disons que lancement de la là, série, il est il s'est questionable pour le prochain montré match. Ça se concord. comprend mieux que pour celui-là. Là, pour celui-là, si tu veux, c'était de l'intox. Mais là, après ce match, on a clairement eu un Joel Embiid avant et Et après. après deuxième quart. De C'est-à-dire toute que le façon. premier quart, et enfin, les deux premiers, la première mi-temps du moins, ok, tu sens quand même que le bonhomme est pas totalement à fond, mais par Il sa se met en puissance rythme et il est physique. menaçant. Par sa puissance physique, par sa vista, par son talent, tu ne peux rien lui laisser passer. Et après, tu as la deuxième mi-temps où il est là. Alors oui, il va scorer, mais il va surtout errer comme une âme en peine sur ce court où là, Forcé tu aussi, vois qu'il ne peut plus avancer. Il ne peut plus avancer. Et donc, cette action est peut-être pour moi. Un tournant dans cette série parce que clairement, déjà d'une, tout le monde se posait des questions après sa blessure de savoir s'il pourrait revenir. son Il niveau de est arrivé à forme. revenir, il est arrivé à revenir en fin de saison et il est arrivé à revenir pour les playoffs. Là, il se refait mal sur une action d'éclat parce qu'elle est dingue cette action. En Il fait, se répète. c'est son premier dunk depuis sa blessure. Donc voilà, il est à un moment où il sollicite plus son corps aussi. On Et sait bien sûr. le gabarit, le poids qu'il peut représenter, retomber Les sur les genoux qui antécédents. étaient fragilisés, les antécédents. Il n'y a pas de contact d'Enix. Voilà, il retombe entre guillemets bien de son dunk. En plus, c'est Ouais, non, mais pas tout le une monde y a chute, une pas mauvaise chute ou les genoux qui tournent. le C'est temps. tout Un mec simplement qui le se poids fait du dessus. corps et Ouais. l'effort. Donc Ouais, rassurant et pour donc, lui. On savait qu'il n'était pour pas à moi. 100%, mais à combien est-il réellement de ses capacités? À voir. En tout Ben cas, là, ça, disons que c'est ça a un chuté. élément clé, en tout cas. S'il n'était pas à 50%, disons que là maintenant les pourcentages, ouais, pour Ont moi, baissé, ont diminué. sont passés sous la barre des 20. Hein. Et après, on en reparlera peut-être. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que tu veux qu'on en parle maintenant, mais moi, je pense que au vu, enfin, comment le scénario de cette série va aller, je suis pas certain qu'ils finissent la série. On va voir. En tout cas, est-ce qu'il sera là au match 2, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on enregistre? Il est questionable. Je pense qu'il y sera, mais il va être sous infiltration et sous cacheton comme jamais. Je pense qu'il va être branché, ça va être cyborg Embiid. Enfin, c'est pas bon pour sa santé, mais je pense que C'est pas bon ils pour ces vont. JO. Alors déjà, c'est pas bon pour les JO, mais c'est pas bon pour. Imaginons qu'il passe les Knicks. Il passe les Knicks, ils vont au second tour. Imaginons, hein, c'est de la science-fiction. Hein. Non, mais d'accord, mais avec cette santé-là, sûrement, voilà, sur infiltration pour faire passer la douleur et tout. Tu sais que moi, je pense qu'en effet, comme tu dis, tu le dis en rigolant, mais peut-être que sa participation aux Jeux Olympiques de Paris est peut-être compromise, hein, à cause de cette action, parce que c'est pas rien, quoi. Et la façon dont il tombe, la façon. Enfin, c'est En dramatique. tout cas, ça fait réagir, ça a fait réagir sur le moment. Il y a eu un avant, un après Joel Embiid sur ce match. Il est revenu tout de même lors du troisième quart-temps. Ouais, il est On pouvait revenu. se dire, voilà, est-ce que c'est de l'intox ou pas? On ne sait jamais avec lui. Il avait clairement pas un bon visage en termes de body language. Toi, tu parlais de son œil qui clignote. Mais en tout cas, voilà, effectivement, c'était pas le même Joel Embiid, c'était pas le même rayonnement sur le terrain. Les Sixers, tout de même, se sont repris. Hein, sa présence dissuade quand même les accès aussi dans la raquette. Ça a été compliqué Ils se pour les sont bien Knicks, ça a repris été la main. compliqué pour Brunson. Et le troisième quart-temps, si le premier était à l'avantage des Sixers, que le deuxième était à l'avantage des Knicks, le troisième quart-temps, malheureusement, il s'est encore une fois retrouvé à l'avantage des Sixers. Alors oui, 26-21. Embiid était présent, il n'a pas été aussi rayonnant, il a forcé. Les Knicks n'ont pas retrouvé d'adresse, ça a été compliqué encore pour les titulaires. Que ce soit Dante, que ce soit pour Jalen Brunson. Alors oui, JB a été maître des points, mais ça s'est retrouvé encore une fois au désavantage des Knicks qui n'arrivaient pas à redévelopper leur jeu, qui n'arrivaient pas à retrouver de l'ouverture, de la facilité. Pareil, un Josh Hart qui jusqu'au début de jusqu'au quatrième carton, on va dire, n'était pas en réussite offensive, même s'il était présent dans d'autres secteurs du jeu. Les Sixers, qui sont revenus dans le match, qui ont effacé leur retard et qui ont mené la Vedi Ah Rodi oui, cependant le troisième qui carton. sont passés devant. Et qui Ils sont sont passés passés devant. devant, je veux dire. Qui sont passés devant. T'étais à plus 12, t'étais bien. T'avais entre guillemets un scénario favorable avec Tu cette finis à moins blessure de 3? Embiid. C'est ça, tu Et finis à moins 3, je crois. ouais, tu finis à moins 3, heureusement. Et moi, ce que j'ai pas compris, en fait, c'est à partir du moment où ils acceptent de renvoyer Joel Embiid sur le terrain et où tu constates que le bonhomme est en difficulté totale. On a continué à vouloir jouer au large, quoi. Pourquoi on n'est pas allé l'attaquer? Il fallait aller l'attaquer. Il fallait aller le provoquer. C'est Je veux peut-être dire. là où un Julius Randle qui est en mode bully sur cette saison, Ouais. qui joue à l'intérieur, aurait pu être utile. On n'a pas forcément ce profil de joueur, on a plutôt des Moi, je joueurs trouve slasher qui jouent au large, qui jouent avec les espaces. on n'a pas osé. Ça manque, Plusieurs fois, ça manque. plusieurs fois, tu as eu Josh Hart. Alors, je ne sais pas si c'est sur celui-là ou si c'est sur le quatrième. Qui contre-attaque. Embiid est Et là, s'arrête, mais ouais. un peu comme le poteau, tu vois, au milieu, il lève les bras, il essaie de dissuader. Et puis, hop, il fait demi-tour, il donne les ballons et tout ça. Mais vas-y, quoi, vas-y, tu vois, tu le sais que là, il n'est pas bien, il est dans le mal. Attaque-le. À partir du moment où les Sixers acceptent de l'envoyer sur le terrain, il les devient une faiblesse pour son équipe. Je veux dire, c'est comme ça, ben, tu exploites cette faiblesse. Tu leur dis, bah, écoutez, ben, ok les gars, vous voulez envoyer un beat, mais vous n'avez pas vu que le pauvre, eh ben, il est mal. Ben, nous, ben, en fait, on va lui rentrer dedans, Joël. On va lui rentrer dedans et on va vous forcer finalement à le sortir parce que, en fait, là, on est en train de scorer que sur lui. Et on n'a pas osé. Et moi, ça me rendait fou. Je me dis, mais attends, merde, c'est pas possible, quoi. Pourquoi on Pas va pas le osé ou pas chercher? pu. Même Pas osé ou pas sur pu. les Moi, je pick pense and qu'on roll, même a. sur les pick and roll, on n'osait pas. Même sur. Ah, ce qui Tu vois? dissuade, il a un pouvoir de dissuasion de par Ouais, son mais il pouvait plus envergure, même si là il sauter. saute pas. On est d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, le troisième carton a été compliqué. Heureusement, comme on l'a dit, il y a quatre cartons au basket. Et le quatrième a été en faveur d'Enix. Et Oh, le là, on a d'autres joueurs qui se quatrième, sont ça a révélés. été. Le quatrième, ça a Un été régal. Un champagne. régal, même si voilà, il y avait du stress aussi, parce que forcément, c'est les playoffs. On est sur un petit scoring au final. On pouvait s'en douter. Et là, d'autres joueurs se sont révélés. On a les joueurs du banc, forcément, qui sont revenus aussi prêter main forte. Et on a un Josh Hart. Et on a un Mitchell Robinson. Un Mitchell Robinson, on n'en a pas assez parlé, mais qui, dans le quatrième quart-temps, a éteint Joel Embiid Homme à fort. plusieurs occasions. Voilà, C'est simple, les hommes Mitch, on forts de ce comprend comme pourquoi quart. il est utile. Ouais. Ouais, les hommes forts de ce quart sont Josh Hart, Mitchell Robinson et Miles McBride. D'ailleurs, ils jouent 12 minutes, les trois. Ils jouent l'entièreté du quart-temps. Chacun dans un rôle bien défini. Mitchell Robinson a été fantastique. Sur le dernier quart, il prend 6 rebonds. Tu vois, comme quoi, en effet, Joel Embiid, tu vois, on en parlait, Joel Embiid sur ce quart-temps, il est à 0 sur 5 au tir, à 0 sur 2 à 3 points. Les 6 points qu'il marque, il les marque sur lancer franc, parce qu'il a cette science pour aller chercher les Les lancers, fautes. mais il prend aucun rebond. Il ne prend aucun rebond sur ce quart. Il joue 8 minutes, il n'en prend aucun. À côté de ça, Pour un voilà, pivot t'as, donc dominant, t'as... c'est gênant. Eh oui, c'est parce que je te dis, tu vois, il ne pouvait plus sauter. Et donc Mitchell Robinson, mais ben voilà, donc... 6 rebonds sur ce quart, donc 4 offensifs, un contre, un joli contre. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais Playoff P aussi, il a mangé son petit contre, hein, À trois de points en Mitch plus. sur à 3 points, Ouais. là, il va le chercher à des Sale. hauteurs, c'est très poussé. Et on a eu donc après un McBride qui, ben, c'est encore une fois, avéré précieux, notamment sur sa défense, sur Maxi, parce que Oui, parce ben, que le petit. Maxi, lui, a exploité les ballons que Joël ne pouvait pas avoir et il nous a mené la vie dure, ce Maxi. Hein. Il Il passe a été comme dans du beurre dans la très bon. raquette d'Enix. Ah ouais, non, mais quand Difficile à tu voulais, tenir, comme il quoi. voulait, là tu vois pourquoi il est All-Star, quoi. Et Ouais. puis, on a eu Josh Hart sur les, on va dire, Coup de sur les cœur. 7-5 dernières minutes du match, quoi. Il a quoi? 13-14 points sur ce quart et des Il a 3 points 13 points, 3 clutchissimes. sur 5, 3 sur 4 à 3 points. Une 4 présence sur 4 rebond aussi, deux rebonds offensifs, deux rebonds défensifs, une ligne de stats sur le quatrième quart, incroyable. C'est lui incroyable qui fait la différence sur cette fin de match. C'est lui totalement. Il y a un échange en fait de 3 points entre les Villa Boys, quoi. D'un côté, tu as Kyle Lowry qui nous met ses 3. Mmh. Et en face, on a Josh Hart qui nous met ses 3. D'ailleurs, Jalen Brunson, lui, va nous marquer un panier sur 5. Il ne tentera aucun 3 points. Il va nous ramasser 3 rebonds et il va nous faire 3 passes. Il sera plus mué en passeur et voilà, pour faire les décalages. Parce que je crois qu'il a compris 5 pertes de balles, hein, pour JB sur ce match. C'est pas un bon match de sa part, mais il a su s'effacer. Il a su attirer, on va dire, la défense à lui, parce qu'il avait ses prises à 2. Mais clairement pas le bon match. 8 sur 26 au shoot. Par contre, on le voit, on a les stats en fin de match. Là où les Knicks ont été forts, c'est dans le secteur du rebond. Ils dominent les Sixers. 55 rebonds à 33. C'est là où le match se fait. Parce qu'après, en termes d'adresse, on est sur des pourcentages assez similaires. L'apport du banc, là, un 42 à 7. Clairement, il n'y a pas photo. Que ce soit McBride, Bojan, il y a eu des points par eux. Les Knicks ont joué sur certaines forces. On pouvait espérer un gros match de JB. Ça n'a pas été le cas. Et pour autant, les Knicks l'emportent. Donc, clairement, félicitations à eux. Joel Embiid, lui, sa suite de série, elle peut inquiéter. Et Brunson, mais les Knicks sont de la ressource. Si tu regardes pas les pourcentages, c'est 22 points, 7 passes, 7 rebonds. Faut pas avoir regardé les matchs, faut pas regarder les pertes de balles. On a vu le match, on a vu que c'était pas un bon match pour JB. Dante qui a joué 24 minutes, aussi très compliqué. D'ailleurs, il a le plus-minus, pour le coup, lui, en minus, le plus mauvais de l'équipe, avec un moins 23, a souligné que depuis sa signature, OG Anunoby n'avait jamais eu un plus-minus négatif. C'est la première fois. Ça arrive. Il a eu moins 5. Oui, attention, OG, c'est la dernière fois. Et il a eu moins 5, la première fois, parce que même dans les défaites qu'on a eues, à chaque fois, il arrivait à être en positif, et là... Alors, c'est pour ça que ça nous laisse quand même une marge de progression, tout ça. Oui. Ça nous laisse quand même une marge de progression, tout ça. Il faut signifier aussi que les Knicks étaient un peu en repos, hein. Ils n'avaient que dans l'entraînement, il n'y avait plus de rythme de compétition depuis un petit moment, donc il peut y avoir ce temps aussi pour remettre la machine Knicks en route. Et pourtant, malgré ça, on l'emporte. Donc là, ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la marge de progression, peut mieux faire encore. Et sachant que l'adversaire en face, est-ce qu'ils peuvent mieux faire? Ça risque d'être compliqué. Mais l'adversaire en face, notre banc, eux, le banc, donc nous, notre banc, donc on a joué à 3. 42 à 7. Enfin, on a joué à 8, du moins. On a joué à 8. Un peu déçu de ne pas avoir vu Achiuwa. Je pense qu'il aurait pu, justement, dans ce contexte. De la blessure d'Embiid, aller à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'il sait, il sait placer son corps, il sait bousculer. Bon, il n'a pas joué. Mitch a été bon. Mitch a été bon, mais il pouvait peut-être en alternance ou en 4, c'est un 4, donc à côté de Mitchell Robinson, mais c'est vrai que pour le coup, tu sacrifies un petit peu ton spacing. Donc on a préféré faire jouer à Anunoby en 4. Et en fait, gagner ton. Écarter au maximum l'équipe de Philadelphie. Un OG qui a plus de polyvalence défensive aussi. Un OG qu'on a vu par moment sur Maxi, qui était en difficulté sur switcher sur Maxi. McBride, par contre, qui était plus adapté sur. Je pense que c'est pas fait pour lui, ouais, Maxi. Je pense que c'est pas fait pour lui, Maxi. On le sait, en playoff, c'est qu'une histoire d'ajustement de match-up et il y a des joueurs qui. Pour lequel l'opposition est plus adaptée. Là, un Mitch Robinson face à Joel Embiid, c'était parfait. On l'a vu. OG Anunoby, finalement, bon, bah, défense sur Tobias Harris. Tobias qui le fantôme de Tobias Harris, peut-être. Kelly Oubre, qu'on n'a pas trop vu. Tant mieux. Mais voilà, les Knicks étaient plus en difficulté pour tenir Maxi, qui, lui, s'est régalé en fin de match quand il a compris que Joel Embiid ne serait pas en forme et en capacité de faire la différence. Donc voilà, il y aura des ajustements dans cette série. En tout cas, c'est un très bon premier match. Mais qu'on n'attendait pas qui se révèle. Toi, tu parlais du banc. Donc, notre banc, donc on a un Bogdan à 13 points. On a un Mitchell Robinson, donc on a vu, hein, à 8 points, 12 rebonds, 4 contre. Et deux lancers francs. Deux Et lancers deux francs lancers francs, ils ont consécutifs en fin de tenté match. du Hakimic, Le quoi. Hakimic, Quel ça n'a pas sport. marché, les gars. Eh ben Ça n'a non. pas marché, Nick Eh Nurse. non. Et en face, écoute, en face, le banc, c'est un truc de fou. Donc Nicolas Batum, on en avait parlé dans la preview de cette série. On avait Tu dit en avais donc parlé. le. Oui, non, non, mais. Non, mais j'en avais parlé en disant qu'il serait le facteur X côté Philadelphia, notamment par sa défense qu'il va Sa amener et polyvalence compagnie. défensive. Mais j'avais aussi dit que sur les 4 matchs qu'on a joués contre eux, il avait marqué 0 points. C'est Là, pas il en a grave. marqué 3. Il en a Ouais, marqué pas 3. mal. Il a marqué un 3 points. Il a marqué un 3 points, 2 rebonds, une passe. Bon, un bloc. Bon, match compliqué en 26 minutes pour Nico. Paul Reed, donc Playoff P, ben 4 points. Lui, 4 points, 4 points, 5 rebonds. Et On puis passera après, pour alors là, c'est le encore match-up plus quand facile, même. hein. Là, c'est quand même plus étonnant. Un Buddy Hield à 0 points en 11 minutes. Ça, alors Pour cet ça. un shooter qui doit Buddy Hield. profiter des espaces ouverts par Joel Embiid. Bon, après, avec un Joel Embiid qui était moins rayonnant, peut-être moins d'espace, moins de confiance. Voilà, Mais compliqué Buddy pour Hield, l'ami Buddy. alors Hein. ça aussi. Alors eux aussi, je pense que quand même, attention, ils ont une marge de progression. Alors, peut-être pas évidemment sur Embiid, hein, parce qu'on l'a compris, ça va être compliqué pour lui sur la série. Hein, il va falloir ne pas le respecter, mais l'agresser. Quand je dis ne pas respecter, c'est ne pas le regarder jouer, hein, c'est pas hésiter à y aller. Parce que bon, tu vois, c'est quand même un mec qui a tourné, il a été à 29 points, mais bon, voilà, 8 sur 22 au shoot, 2 sur 8, mais 11 sur 12 au lancer franc. Le joueur qui a eu le plus de lancers francs. Et après, Nick Nurse nous dit que c'était festival de lancers francs pour les Knicks. C'est un C'était peu plutôt équilibré. C'était plutôt équilibré. la charité qui se moque de l'hôpital, quoi. Bon, L'hôpital. bref. Et en face, tu vois, tu as quand même un Tobias Harris qui normalement tourne à 17 points de moyenne. Là, il a marqué 7 petits points. Donc peut-être que à un moment donné, on va aussi avoir un réveil de Tobias Harris. Un Kelly Oubre qui a 10 points. Mais bon, je pense que ça. En sacrifice défensif sur Brunson lui coûte beaucoup d'énergie. Donc cette série, voilà, cette série, elle ne fait que débuter. C'est à faire. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur la suite de cette série. Embiid, quel va être son état de santé sur le match 2? Jouera, jouera pas, dans quelles conditions? Moi j'ai dit, moi je pense qu'il va être blindé au max de calmant, d'antidouleur, voilà, jusqu'aux yeux, quoi. Là, il va clignoter des deux yeux, mais pas synchro, pas synchro. Ça va être, voilà, ça va être cyborg Embiid. Et nous, de notre côté, voir, on sait que JB n'enchaîne pas deux matchs consécutifs Mauvais, mauvais. loupé, ouais. Donté à voir aussi, parce que c'est vrai que là, un match comme ça, c'est pas bon. Et maintenant, on va pas forcément attendre que Josh Hart tourne à 20 points de moyenne, à 50% à 3 points. Cette Non, fin de non. match est d'un côté champagne, comme tu dis, c'est sympa parce que voilà, mais trop de hero ball pour que ça soit pérenne dans Ça le temps. ne Donc marchera pas à chaque coup, donc des non, shoots non. compliqués. Et un Josh Hart qui n'est pas un shooter à 3 points, un gros shooter, il en prend quelques-uns. Et non. Là, c'est rentré en fin de match, tant mieux. Ça rentrait pas, ça aurait été du Josh Hart. Hein. On n'a pas non plus un gros shooter à 3 points. C'est pas lui le spécialiste au large. Clairement, il y en a d'autres dans l'équipe. Pareil, McBride qui a 100% de réussite au début de son passage en second quart. Super, mais ça sera peut-être pas comme ça tous les soirs. Donc il va falloir retrouver la force des cadres. Là, c'est plutôt les role-players sont venus au secours d'un Brunson en difficulté, d'un Dante en difficulté, d'un OG discret, pris par les fautes, pas forcément non plus encore en méga forme, même si c'est pas le joueur qui a le plus traîné la patte. Donc non, la série ne fait que commencer. Hartenstein aussi On qui n'a va pas être été non plus à son avantage. un pro Donc de faute. Hein. On va avoir un problème de faute de toute façon. ça On arrivera un va avoir un moment. problème de faute parce que Sur Embiid Embiid. en provoque énormément. Il va Embiid est pas jouer à bâti en match rien, moyen. Hein. mais il va aller chercher ses points comme il peut les chercher. Il va les chercher Maximum. avec les fautes, Mais. quoi. Et voilà, donc tu vois, sur le dernier quart, ses 6 points, il les marque sur 6 lancés. Donc on sait qu'on va avoir un problème de faute sur lui, hein. C'est évident maintenant. Il a dit, Hartenstein, putain, le pire c'est que, si tu veux, c'est que Hartenstein le dit en conférence de presse, justement, une sorte un petit coup de pression, en disant, Voilà, on sait que Joël, il arrive à avoir des coups de sifflet, si ça a mis. Intelligent de sa part, Hartenstein, justement, de souligner un peu cet aspect-là du jeu de Embiid. Première action, Embiid s'enroule autour de lui, il part. Qu'est-ce que fait notre Isaiah préféré? Il le Il prend par attrape le, là. il attrape par le bras. Ouais. Et est-ce que tu t'es écouté pendant ta conférence de presse? Tu le savais, c'était trop Putain, tentant, c'est c'était pas trop vrai, tentant. quoi. Est-ce que tu t'es écouté? Laisse-le aller au cercle. Pourquoi tu l'attrapes par le bras? Ça lui fait un Ah, poussin. il t'a mis dans le vent, il t'a mis dans le vent, et effectivement, et au lieu d'aller chercher un N1, bon après il voulait peut-être l'attraper pour lui éviter de marquer et ne lui donner que de lancer. Bon, on verra, en tout cas ils vont se relayer, et on va voir aussi la façon dont ses genoux se comportent. Bon, ça c'était notre grosse rétrospective pour le match 1. Il n'y avait qu'un match, rendez-vous compte. Mais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses déjà à ressortir. Et est-ce qu'on est capable, avec un seul match, de ressortir un joueur de la semaine, un Nick of the Week by KNFTV? Bon, vous l'avez compris, Jalen Brunson, c'était pas son soir. Il en aura d'autres. Il aura d'autres occasions de revenir C'est aux sûr, honneurs de c'est sûr. KNFTV. Par C'est un contre, il compétiteur, y en a c'est un trois, battant. hein. Moi, j'en vois trois, en fait, qui auraient pu hériter de cette couronne. Ouais. On a pensé à Mitchell Il y a le Robinson. triumvirat. On a pensé à Mitchell Robinson parce qu'il a fait un gros travail défensif. D'ailleurs, Mitchell Robinson, est-ce que s'il continue comme ça face à cette match-up, face à Joel Embiid, est-ce qu'il pourrait pas revenir titulaire? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On vous la pose en Ça peut commentaire. faire partie Dites-nous des ajustements, hein. si Mitch, il pourrait, sur ce rythme-là, revenir starter et remettre Isaiah Hartenstein sur le banc. On se pose la question, on vous la pose, donc dites-nous en commentaire. Donc, un super match de Mitch, mais voilà, un match en sortie de banc. Bon, allez. Ça sera peut-être pour une autre fois ce Nick of the Week. Il nous en reste deux. Josh Hart, Deuce McBride. On en a aimé un beaucoup sur le second quart-temps. On en a aimé un beaucoup sur le quatrième. Les deux, on les a beaucoup aimés. Le Garden a vibré grâce à eux. Et donc, on a décidé de le donner à Josh Hart. Voilà, ça sera Josh Ouais. Hart, notre Nick of the Week sur cette semaine. Bon, Comme on être est prime. clutch dans le quatrième, faire gagner l'équipe avec des paniers à 3 points, des rebonds. Bon, voilà. Et puis en plus, il sait jouer avec le public. On l'adore déjà beaucoup, notre Josh Hart. Il a répondu aussi. Tu Il sais a que c'est un répondu showman. par là, sur la presse, et il a répondu sur le terrain. Donc il n'en avait rien à faire des déclarations de Playoff P Et puis il avait de dit, Philly. que ça l'avait. Alors je sais pas si c'est sur ce match ou sur les derniers ou sur ces confrontations qu'il avait eues contre Philadelphie, mais il avait dit que en gros ça l'avait un petit peu chafouiné que on lui laissait autant d'espace à 3 points Ouais, et que beaucoup donc trop sur risqué cette Romer. Hein. semaine Respecte et que pas. sur cette semaine en fait de repos il s'était beaucoup entraîné justement. Il avait beaucoup fait de practice à 3. Et pour justement sanctionner et pour justement ce moment-là. Donc bah, ça a été mis à profit son travail. Donc maintenant, comme tu dis, il y avait donc le petit Miles McBride. McBride a fait ce qu'on a attendu que IQ fasse l'année dernière et qu'il n'a jamais fait. C'est-à-dire un match. C'est-à-dire un match en fait bah, où comme il avait su nous régaler durant toute la saison dernière, où il a frôlé le trophée du sixième homme, Emmanuel Quickly, refaites-vous des mixtapes de l'année dernière, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'en playoff, on se frottait tous les mains en se disant, ah ben tiens, ça va peut-être être, l'élément déterminant. Bon, ça avait fait un peu pchit, il Loupé. avait un peu disparu en playoff. Et là, ben McBride, lui, non. Lui, il est sur. Premier match de Il est playoff, même sur. pas peur, quoi. Non, il est sur sa lancée de 2024, quoi. Il est sur une Dune Sanity, on en avait déjà parlé. Il avait travaillé, d'ailleurs, on lui avait décerné un trophée de Knicks of the Week parce qu'il avait été fantastique sur les matchs, Sur une des je m'en semaines. souviens plus, c'était sur laquelle. Mais il a eu une progression incroyable. C'est un gamin qui n'a pas froid aux yeux, qui se donne à 100%. Il est dans le total esprit new-yorkais, lui aussi, dans le total esprit Knicks. C'est un gars à la Chris Childs, à la Chris Childs quoi, tu vois, tu vois ce que je veux dire quoi, c'est Ouais, avec Charlie le shoot Ward, en un petit plus. meneur, Ouais, mais mais Childs était quand même plus accrocheur, plus méchant quoi, que Ward. bagarreur. Kobe s'en rappelle. Ouais. Feu Kobe. Donc tu vois, dans ce rôle de petit meneur de poche qui Ok. arrive à faire son histoire et de toute façon, tu ne peux que l'aimer, pareil. ce bonhomme. Et ce mais match, vous l'aurez compris, on est allé le chercher. On lui a pas décerné à lui. Tu on étais pas partisan décerné de Josh Hart. McBride méritait tout autant. On aurait pu faire une double couronne, non, voire une triple avec Mitch. C'était pour faire une petite comment dire, une petite aparté sur McBride. Mais voilà, on a ces a joueurs compté, qui font gagner les Knicks et Josh Hart. Voilà, à 20 points aussi. Au final, on voilà, a un trio à 20 points, à plus de 20 points avec JB. JB, on regarde pas les pourcentages, on regarde pas les pertes de balles. Mais clairement, c'est eux qui font gagner. C'est le Big Three des Knicks qui fait gagner. Et le Big Three des Knicks, c'est Brunson, c'est Josh Hart et c'est McBride. Sur un match 1, fallait sortir ce podium-là. C'est le bas court. C'est le bas court. C'est le bas court. Meilleur si Josh meilleur joue un peu partout. NBA. Clairement. Ouais, donc voilà pour ce match 1, pour cette première semaine de playoff, parce qu'il n'y avait qu'un seul match en playoff. Là, la semaine prochaine, il nous reste. Enfin, cette semaine prochaine, cette semaine-ci, c'est 3 matchs de playoff qu'on a au programme. Donc là, on va avoir peut-être un peu plus de matière pour décerner un trophée de Nick of the Week. Donc on regarde tout de suite le programme, parce que les playoffs ne font que commencer. Cette série ne fait que commencer. Jusqu'où va-t-elle bien pouvoir aller? On va essayer de regarder ça ensemble et de vous le dire. Allez, on regarde tout de suite le programme de la semaine. C'est parti. Hop, hop, hop, j'ai même pas eu le temps de me prendre une petite rincée pour enchaîner sur la deuxième partie. On a trop crié devant nos écrans sur le match 1. On est prêt à crier sur le match 2, le 3, le 4, et puis peut-être ça sera tout. Parce que oui, cette semaine, il y a 3 matchs au programme. Le match 2, cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi. À partir de 1h30, c'est ça, 1h30 sur nos écrans. Cette nuit, c'est à partir de 1h30, ouais. Sur Beansport. Donc pour ceux qui souhaitent le regarder en version française, ça passe sur les antennes de Beansport. Sinon, si vous préférez la version originale, la VO, ça sera sur le League Pass. Vous savez aujourd'hui comment regarder des matchs NBA, on vous apprend rien. Et donc, le match 2, bah, c'est tout de suite au Madison Square Garden. Ça va pas forcément aider au repos des genoux de Joel Embiid, mais ça, nous, on s'en moque un peu. On ne se réjouit pas d'une blessure, mais voilà, un adversaire diminué, ça ne peut que donner plus de chances aux Knicks d'essayer de passer ce premier tour. Surtout quand l'adversaire en question est un lauréat MVP, quoi. C'est vrai, c'est le MVP en titre. Visiblement, ça ne sera pas Jalen Brunson le MVP cette saison, mais en tout cas, c'est toujours le porteur du trophée de MVP. Derrière, il y aura un déplacement. Il y aura même 2 matchs en déplacement à Philadelphie pour le match 3 et 4. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si les Knicks veulent sweeper les Sixers, il faudra aller gagner 2 fois à Philadelphie. Donc, match 3 dans la nuit de jeudi à vendredi, par également 1h30. Et match 4, vous le savez maintenant, puisque c'est notre affiche de notre KNF Viewing Party. Ça sera ni plus ni moins que dimanche et ça sera à 19h. Donc ça, un match à ne surtout pas manquer. Est-ce que ça sera un match pour passer à 4-0? Est-ce que ça sera un match pour revenir à 2-1? À 3-1? Non, à 3-1. Qu'est-ce que je raconte, moi? À 2-2? Bon, on verra. On verra tout ça. On verra où on en sera la série. Par contre, ça sera dimanche à 19h, donc une heure beaucoup plus facile pour nous francophones. Voilà, donc 3 matchs pour cette semaine. On verra s'il faut aller la semaine prochaine encore jouer face à ces Sixers, auquel cas il y aurait 3 matchs possibles, dont 2 au Madison Square Garden. Et le match 5 serait dans la nuit de mardi à mercredi. Donc bon, une semaine bien dense, 3 matchs. Les playoffs, c'est pas de tout repos. Pour l'instant, les Knicks mènent 1-0 dans cette série. On va se jouer au jeu des pronos hein, pour cette semaine. Et puis au final, on va se mouiller même un petit peu plus. On va se projeter pour le résultat de cette série. On ne s'était pas encore mouillé et on ne s'était pas encore risqué au jeu des pronos. Là, on a un recul sur ce premier match. On a un recul sur l'état de forme des troupes, même si beaucoup de choses peuvent encore évoluer. Cette semaine, bon, on était, enfin la semaine dernière, on avait tous les deux vu une victoire. On espérait, on souhaitait de tous nos cœurs une victoire et ça s'est passé. Là, maintenant, comment on se projette? Comment on se projette avec l'état des troupes, avec ce qu'on a vu du match 1? Tu te lances? Je me lance? Comment tu vois cette semaine? C'est embêtant parce qu'en fait, tout dépendra pour moi de l'état de santé d'Embiid. Ben voilà. Et attention, on va avoir le retour aussi de D'Anthony Melton. Oui, qui peut provoquer quelques difficultés dans le backcourt. Donc prévu pour le 25, donc c'est-à-dire prévu pour son retour pour le Game 3 à Philadelphie. À Philly, ouais. Donc c'est et qui devrait remettre un Kyle Lowry plutôt sur le banc. qui devrait remettre un calorie sur le banc. C'est un joueur défensif aussi, à envoyer sur Jalen Brunson. Un de plus. C'est un joueur long qui, cette saison, a tourné en 11 points de moyenne. Voilà, donc c'est quand même un joueur... c'est quand même un joueur... à ne pas négliger, quoi. Ouais. Un joueur qui compte côté, côté Philadelphie. Donc, attention, ce type-là va revenir. Donc beaucoup d'interrogations bah, évidemment pour sur ce match 2, hein, on le sait. Je pense quand même qu'on va le prendre. Hey. Je pense que ce match 2, on va le prendre. On va le prendre. Parce que on va avoir encore une fois. Pour moi, là, Embiid est vraiment trop blessé. Il va jouer, hein, je t'ai dit, mais il va jouer, mais comme on l'a vu sur la deuxième mi-temps, quoi. Il va jouer, mais. Ouais. Trop blessé. À nous d'être intelligents et essayer de ne pas lui accorder les fautes qu'il doit aller, quoi. Et à l'attaquer. Et à pas hésiter parce qu'il ne peut pas sauter. Donc, vu qu'il ne peut pas sauter, il ne peut pas courir, c'est compliqué pour un joueur de basket. Après, derrière, oui, c'est pris derrière. Offensivement, il va tout faire au talent, mais défensivement, ça va vite devenir un plot. Donc, il faut le cibler, quoi. Il faut le cibler sur pick and roll, il faut le cibler sur les drives, il faut le cibler sur tout, quoi. Il faut le chercher, il faut que Nick Nurse se dise... j'ai pas le choix, en fait, là je suis en train de me faire détruire sur ma star, quoi. Donc voilà. Donc je pense que ce game 2, on le prend. On a combien de matchs, t'as dit? On en a 3. Bah après, on a les deux matchs à Philadelphie. Un peu de repos, puisque le match 3 se fera dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc un peu de quoi se reposer. 3-1 à la fin de cette semaine. D'accord, une victoire, une défaite à Philly. On prend celui-là, on perd le prochain match à Philadelphie, on perd après le prochain match à Philadelphie, et on gagne le deuxième match de dimanche pour la viewing party. C'est un scénario plutôt plaisant. Alors, sans te projeter sur le résultat final de cette série, on va le faire après, mais là tu nous as donné ton pronostic sur cette semaine, et ben écoute... Sur cette semaine, moi, je vais te suivre aussi. Je vais te suivre parce que finalement, tes arguments sont valables, tout à fait. Effectivement, Joel Embiid, on a vu qu'il était diminué. On sait que les Sixers, leur objectif, c'est quand même de récupérer un match à l'extérieur parce que de toute façon, ils ne pourront pas gagner la série s'ils ne gagnent pas à l'extérieur, s'ils ne viennent pas gagner à New York. Ceci dit, ça semble plutôt mal embarqué. Peut-être qu'ils ont laissé passer leur chance sur ce match 1 avec un Brunson, comme on l'a dit, qui n'était pas au meilleur de sa forme, pas en réussite, qui a été plutôt gêné par la défense des Sixers. Est-ce que les Sixers vont réussir encore une fois un peu à freiner, à ralentir Brunson dans son rendement? C'est possible, mais on a vu aussi que les Knicks avaient de la marge de progression, dont Teddy Vincenzo qui a eu ses tickets shoot mais qui les a pas mis. Donc peut-être que défendre sur Brunson, c'est laisser la porte ouverte à Dante, et cette fois-ci, Dante va peut-être commencer à remettre un peu dedans. Donc on va peut-être aussi retrouver un peu de soutien offensif. Le banc a été bon, le banc d'Enix, est-ce qu'il sera bon comme ça tout le temps? J'espère, mais c'est pas sûr non plus. Donc il va falloir retrouver un peu plus de productivité au niveau des starters. Et on l'a dit, premier quart-temps, troisième quart-temps, là où les starters ont le plus joué, c'est pas là où on a performé. Donc il va falloir un peu inverser la tendance. Mais oui, j'ai aussi envie de te suivre sur aller chercher ce match 2. Les Knicks sont en pleine confiance et ils ont de la marge de progression, là où les Sixers sont dans le doute, de par la situation d'Embiid. Est-ce que Embiid va jouer? S'il ne joue pas, peut-être que limite ça peut être un mal pour un bien pour eux, parce qu'ils ne vont pas avoir à forcer leur jeu sur un Embiid qui n'est pas en capacité. Ouais. Mais voilà, sans Embiid, les Knicks se sont plutôt imposés en saison régulière face à ces Sixers, donc c'est plus du tout la même adversité, même si Maxi est bon. Après, on l'a dit, Kelly Oubre, ça n'a pas été exceptionnel. Buddy Hield, Harris non plus. Plutôt transparent. Tobias Harris, on ne sait plus trop quel joueur c'est ou c'était. En tout cas, la compta chez eux s'en rappelle. Mais c'est plus le même joueur sur le parquet. Donc oui, les Knicks devraient être encore en force. Le public va pousser derrière et partir à Philadelphie avec un 2-0. Voilà, on va un peu mieux respirer. Peut-être se relâcher, et effectivement, s'il y a un match à lâcher à Philadelphie, avec ou sans Embiid, poussé par leur public, ça sera peut-être le match 3. Mais derrière, petite piqûre de rappel, et ouais, 3-1 à la fin de cette semaine, gagné en viewing party, ça serait plutôt sympa. Donc je te suis sur cette semaine. Et du coup, je vais continuer sur ma lancée. Où est-ce que la série va aller? Initialement, avec un Embiid qui revenait et avec un Embiid en forme, moi j'aurais Ouais. plutôt vu une série accrochée, compliquée, qui aurait été loin parce qu'on n'a pas non plus vraiment la solution face à Embiid, même si on a vu Mitchell Robinson plutôt bon sur cette première opposition. Au rythme de la série et retrouver de plus en plus de sensations, je me suis dit que c'était un casse-tête qui aurait été compliqué. J'aurais bien vu cette série aller en 7 matchs avec une victoire des Knicks au Madison Square Garden pour finir, avec une série vraiment accrochée, quelque chose de un combat, voilà, de la rugosité dans ces duels. On l'a vu, il y a déjà de l'engagement physique, mais ça va être compliqué de pouvoir se battre avec les Sixers, avec un Embiid, avec les genoux en mousse. Donc ça devrait être plus compliqué. Et si j'avais envie que les Knicks passent en 7, bah j'ai envie que les Knicks passent plus vite. Et moi, je vois un 4. Allez, carrément, un 4-1. Oui, parce que Ouais, je suis si d'accord les avec Knicks toi. s'imposent à Philadelphie sur une des rencontres de cette semaine, le match 5, il se passe où? Au Madison Square Garden. Et pas besoin On d'aller pousser finira la le série job. plus long. Les Sixers, est-ce qu'ils arriveront à inverser la tendance et venir gagner le match 5? Compliqué. Est-ce que les Knicks vont aller gagner un match 6 à Philly? Ça semble pas le scénario le plus évident. Donc moi, je verrai plutôt, j'espère, je souhaite. Si je devais parier, je parierais aujourd'hui sur une série en 4-1, là où je voyais quelque chose de plus compliqué. Mais malheureusement, le sort des genoux d'Embiid ne nous rassure pas sur ce premier match. Et un Embiid qui joue pas, c'est plus du tout la même adversité. Donc 3-1. Une victoire, D'accord, enfin ouais, une non, je défaite suis cette d'accord avec semaine toi. et un 4-1 pour la série. Ça serait mon Ouais. prono. T'as pas de Non, non, contre-argument à poser à ça. non, non, non, non, parce que je pense que il y a tellement de choses qui reposent sur Joel Embiid. Tellement. C'est monstrueux, en fait, le pouvoir que ce type a sur le déroulement d'une rencontre, sur le jeu proposé par Philadelphie et sur l'adversité qu'il peut proposer également lui-même. Sur la défense et l'attaque des Knicks. Donc forcément, un Embiid qui sera peut-être à 15 ou 20% de ses capacités, c'est tout de suite handicapant pour son équipe et c'est tout de suite bénéfique pour nous. Donc ce qu'on a vu, cette fin de second quart de match, a été pour moi le tournant. Alors peut-être qu'il va nous faire mentir, hein. Peut-être qu'en fait là il va revenir, il va être énorme, il va nous défoncer. Mais j'y crois pas des masses. Donc non, moi j'adhère à ton scénario. Et je vais même te dire que je pense que si à 3-1 on part à New York, Embiid est pas du voyage. Et voilà, grosse cote sur une fin de saison raccourcie parce que Embiid blessé, c'est peut-être une façon de sortir par la petite porte avec voilà, un petit storytelling qui lui est plus favorable que de se faire éliminer 4-1 par les Knicks. Eh oui, peut-être, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, il va falloir suivre ça avec attention. On va être au rendez-vous cette semaine. On va être au rendez-vous, vous le savez, dimanche pour ce match 4. Est-ce que ça sera un sweep? Est-ce que si les Knicks remportent le match 3 et le 2, est-ce qu'ils vont pas finir la série? Ça serait sale de chez sale. Ça Est-ce serait que incroyable, ça Embiid serait fort. va pas terminer sa série encore plus tôt que ce qu'on prévoit? À voir. En tout cas, Absolument. comment dire, la confiance est de mise. Donc on vous attend dimanche à 18h30 au Hideout pour la KNF Viewing Party de ce premier tour. Vous l'avez compris, on pense que les Knicks vont se qualifier, on pense que les Knicks vont jouer au prochain tour, donc il y aura peut-être une autre soirée, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, il faut profiter de ces matchs à heure décente pour nous, public français. Donc c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous nombreuses et nombreux, bien habillés, bien sapés. Mettez vos tenues de lumière aux couleurs orange and blue pour cette match 4 au Hideout. Et voilà, ça va nous faire une très très bonne semaine. On a repris confiance avec ce match 1. Je pense que les fans des Sixers sont plutôt inquiets. Et voilà, on devrait pouvoir continuer de se régaler, nous, en playoff, fans des Knicks. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à nos Knickerbockers. Et surtout, de ne pas nous faire de mauvaises blagues. Mais voilà, en tout cas, les voyants sont au vert pour les Knicks en ce moment. Il y a de quoi plutôt vivre ces playoffs de façon confiante en ce début de mois. Enfin, de mois. De non, cette fin de mois d'avril. Qu'est-ce que je raconte, moi? En ce début de printemps. Voilà, c'est tout pour nous pour cet Juste épisode si on peut faire 87. si on peut faire juste un Petite petit point. Non, dédicace, une non, annonce à non, mais faire. juste un petit point playoff parce que bon, on est aussi une émission qui parle de basket. Donc Ah, on juste regardera ailleurs aussi parce qu'il y aura d'autres adversaires, effectivement. actuellement au niveau donc des playoffs NBA, on a donc à l'Est On a eu cette nuit Boston qui a disposé assez facilement, même si le score ne le reflète pas. Ben donc le Heat qui est sorti du play-in tournament en évinçant les Bulls. Donc les Boston Celtics mènent 1-0. D'ailleurs, il y a eu un mauvais play de la part de. On est habitué, hein, c'est la Heat Ça culture. arrive. Hein. La Heat culture, c'est de blesser son adversaire, la Heat culture. Donc un mauvais play sur Tatum. Donc voilà, donc 1-0 pour Boston. On a les Orlando qui ont perdu aussi leur premier match comme il faut Ouais. contre les Cavaliers qui avaient fait exprès de perdre. On a les Bucks aussi qui ont bien gagné Disposer des Pacers. contre Peut-être Indiana, ouais, adversaire ils ont futur des explosé. Knicks, à voir. Peut-être, donc encore une fois là c'est long et on a eu donc un Damian Lillard incroyable. Et puis du côté de l'Ouest, on a le OKC qui a battu difficilement, très difficilement, Compliqué de traduire. les New Orleans Pelicans. Pelicans. Ouais, ça s'est fini à 2 points d'écart, donc très compliqué. Pareil pour Denver, avec des Lakers accrocheurs, même si à la fin ils ont fait la différence, mais c'est vrai que les Lakers était là, mais Denver, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont appuyé, c'était fou. Ils ont en Je sais 4 pas. minutes, ils ont appuyé sur le champignon, là, bam, ils leur ont mis 14 points dans la tronche. Incroyable. Et puis par la suite, on a eu qui? On a eu les Clippers qui ont aussi facilement disposé des Mavericks De Luka Doncic et compagnie. avec un Kawhi Leonard, encore une fois Pourtant. blessé, lui aussi, encore une fois absent. Mais Playoff P. Et ouais. De Et vrai. bah ouais, visible, le duo retrouvé Harden-Westbrook en playoff qui a fait des merveilles. Et enfin, donc le dernier match Les de Wolves l'Ouest. contre les Bah, Suns. ouais, avec sur l'ouverture de l'Ouest. Et un super match des Wolves qui ont battu donc les Suns. Visiblement d'un Devin Booker un peu en Pas deçà. dedans. Et d'un Ouais. Anthony Edwards Qui énorme. permet de Monstre. trash-talker Kevin Durant. Donc, est-ce que Kevin Ouais. regrette de ne pas avoir signé aux Knicks? Eh, on peut Est-ce que se Kevin poser regrette de ne encore la pas avoir question. signé au Wolves, à ne pas savoir signer à Minnesota? Est-ce que Kevin, en fin de saison, va demander son trade à Minnesota? C'est possible. Ah, Attention, tout est possible. contre Charles-Antoine, on verra, on verra. Mais en tout cas, les playoffs ne font que commencer et on se régale Ou déjà. alors on Vous retourne au avez kick. compris, on se projette plus loin que ce premier tour, que cette série face aux Sixers. Mais il va falloir venir à bout de ces Sixers quand même. Il reste quelques matchs. Le travail n'est clairement pas Oh fait. ouais, c'est Ils ont une fait le affiche de boulot pour le demi-finale match ça. 1. Mais on va raison garder, c'est que le match 1. Et Les playoffs sont après, il y a le très match longs. 2. Et le 3. Voilà, c'est Et ça. le 4. Voilà. On Attention vous par contre attend pour le aussi, 4. il y a une donnée à prendre en compte. Stephen A. Smith sera du match, donc l'homme qui retourne sa veste plus vite que Lucky Luke qui dégaine ses flingues. Il sera au match et c'est quand même un chat noir. Hein. Faut le savoir. À chaque fois qu'il vient, qu'il dit oui, je viendrai, tout ça, parce que trop de hype. Et quand il vient, on perd. Donc Stephen A ne vient pas, ne vient plus, ça sert à rien. Je sais Voilà, même pas merci. pourquoi la sécu du Garden le fait rentrer, mais bon, ça c'est une autre histoire. Petit bisou à Charles Oakley. Allez, sur ce, on va se terminer cette émission 87 et vous donner rendez-vous lundi prochain pour le débrief de ce premier tour, de ces trois matchs, de ce match 4. On verra où on en est, on verra si on parle encore des Sixers ou si on se projette déjà sur un futur adversaire du second tour. D'ici là, portez-vous bien, supportez les Knicks. Voisin du dessous, continue de kiffer, mais pas trop fort quand Bon, même. écoute, hein. Oh, ben, là c'est simple, un match sur deux. C'est-à-dire que un jour j'ai les Knicks, un jour j'ai les Rangers, un jour j'ai les Knicks, un jour j'ai les Rangers, donc c'est Oui, c'est pour ça, il faut dormir un peu. Hein. bon. On dort plus, c'est fini. La Y cité, a plus de la ville sommeil. qui ne dort jamais. Bon, portez-vous bien, fan des Knicks, fan des Rangers, fan de toute franchise NBA. Non, fan des Knicks, les autres on s'en fiche. Fan Et des on vous donne Warriors. rendez-vous lundi prochain. Allez, bonne semaine à toutes et à tous, et let's go Knicks! Ciao ciao! Ciao.